Je vois ma vie passer comme une étoile filante et le poids des années alourdir mon élan. Plus j'avance dans la vie et plus le temps passe vite, laissant derrière lui ses traces indélébiles et effaçant en moi mes vaines illusions. La vie qui passe, la vie qui passe, la vie qui passe, la vie. La vie.